Bélier, vous êtes un peu trop réactif à vos heures. Gardez votre sang-froid en toutes circonstances. Taureau, la roue céleste tourne en votre faveur. Mercure ainsi que Mars se rallient à votre cause. Gémeaux, vous êtes hypersensible aujourd'hui. La moindre remarque vous met les nerfs en pelote. Cancer, Mercure s'installe dans votre 9e maison solaire. Prenez de nouveaux contacts, vos démarches seront facilitées. Lion, réglez vos factures en retard. Équilibrez vos finances et penchez-vous sur l'état de votre compte en banque. Vierge, Mercure s'installe dans votre 7e maison solaire. L'heure est au dialogue avec votre partenaire. Balance, vous avez du pain sur la planche et la volonté de finir ce que vous avez entrepris, quitte à faire des heures supplémentaires. Scorpion, avis aux célibataires, les rencontres sont à l'ordre du jour. Sagittaire, Mercure vous rend nerveux. Mettez plutôt de l'eau dans votre vin au lieu de vous énerver pour des broutilles. Capricorne, si l'on vous propose un déplacement, acceptez-le sans hésiter. Vous avez besoin de changer votre routine professionnelle. Verseau, vous avez envie de vous faire plaisir, de dévaliser les magasins. Avant de succomber, jetez un œil sur vos comptes. Poisson, Mercure s'installe après-demain dans votre signe, ce qui augure une période relationnelle fertile en contact et en déplacement.